Chapitre 3e. Ah, quelle vision alors, rapide, pleine de regrets, sans espoir, de la vie qui pouvait être si belle, si heureuse, et qui, si brusquement, va finir dans une cruelle agonie d'étouffement. Et dans l'angoisse de l'inévitable mort, sa pensée dominante est Charles. Charles, qu'elle aime, car elle le sait maintenant, elle l'aime. Elle s'est refusée à le lui dire, et il l'ignorera toujours. Non, il saura. Il a voulu la sauver, il a plongé derrière elle. Il la cherche sous les eaux, il vient de la saisir. Alors, elle l'entoure de ses deux bras. Ils sont visage contre visage, et les lèvres de Londine s'attachent à celles du jeune homme. Premier baiser de fiançailles, ardent baiser d'amour en même temps que froid baiser de mort, où leurs deux âmes vont se mêler, puisqu'ensemble, ils vont mourir. Mourir. Charles veut vivre, et veut qu'elle vive. Sous l'épaisse couche d'eau, au milieu des herbes ondoyantes, c'est une lutte désespérée, la lutte de la vie contre la mort, et Charles, par quel effort surhumain, arrache et brise les liens tenaces, dégage Suzanne et la ramène à la surface. Une minute après, sorti de l'eau, sous le bon et chaud soleil, il formait le plus étrange couple d'amoureux mouillés qu'on pût voir, mais si ravi, si heureux de se retrouver vivant, de respirer, de se regarder et de s'aimer, et de se le dire avec des rires de joie, mêlés de sanglots d'émotion. Ainsi s'achève Londine de Léon Allard.